Culture Wave. Culture Wave. L'émission documentaire dédiée à l'univers de la Wave Music. Wave Music. Culture Wave. Culture Wave. Culture Wave débloque le compteur des années 80. Culture Wave. Artistes, labels, DJ, producteurs. Nous rendons hommage aux fondateurs et aux héritiers de la New Wave. La New Wave. La New Wave. Culture Wave. Culture Wave. Interview, portrait, mixtape, concert exclusif. Culture Wave, produit et animé par Greg et Walter, de sans pleurs et sans reproches. Chaque lundi, de 23h à minuit, sur Galaxy Radio. Galaxy Radio. Culture Wave. New Wave is alive. New Wave, new wave is alive. Is alive. I feel so fucking alive. Bonjour à tous. Depuis plus de 4 décennies, le tourbillon de son New Wave emporte sur son passage plusieurs générations de cold hédonistes. Je vous propose de poursuivre ce voyage avec ma deuxième playlist. OMD, Bon Pixie, Click Click, Person A, Hidden Agenda, IMR, Goût de Luxe, Dictature, Front 242, Mitra Mitra, The Human League, Neutralize, Camouflage, John Stein Grinder, Gary Newman et Linnea Aspera. Ma sélection vous convaincra de notre slogan New Wave is Alive. Culture Wave Mix. why I see things like too much. Fashion's answer appears untouched. Moving pictures. Like gods, hunted like devils, the men of the lodge, living like vultures, they carry an army, rebels with ideas, hate letters, injects in the mail, moving pictures. Culture Wave. Culture Wave. Culture Wave. Time when we look at the statues, the future. Future Wave. New Wave is alive. New Wave is alive. New Wave is alive. Salut, c'est Sinpat. Vous écoutez Culture Wave. Culture Wave. Culture Wave. Culture Wave. Anger. There's no answer to be Okay, ready. Let's do it. The Wave Mix. game's never over. 6,000 days to go. Thank you. New wave is alive. Thank you. We'll be right back. c'est un mouvement qui va définitivement imposer les premiers sons de la musique électronique. Galaxy vous propose de replonger dans les années New Wave grâce à sa web radio. Galaxy New Wave. The little goose is dead. Galaxy New Wave. Everybody go! New Wave. Dès maintenant, découvrez la web radio depuis le site officiel galaxyradio.fr et sur l'application mobile. Galaxy New Wave. La web radio voyage dans l'histoire des musiques électroniques. Culture Wave. New Wave is